On va peut-être rappeler ces mots de Lou Chahé qui parlait, qui disait à Darius Brangement qu'il ne faudrait pas chicaner sur certaines positions. On va rappeler que chicaner, c'est vouloir créer des polémiques inutilement, chercher des problèmes où il n'y en a pas, faire des problèmes où il n'y en a pas. Pourquoi Linda Labawi, ces propos de Lou Chahé ont donc créé, ont donc chamboulé toute l'Europe parce que toute l'Europe en parle? Ben, la création de la Crimée et l'histoire carrément de l'Ukraine, j'en avais parlé plusieurs fois, ça a été la décision unilatérale de quelques chefs d'État, à commencer par Lénine. Donc, si on va dans le droit international et on va dans tout ce qui est charte des Nations Unies, tout ça, c'est vrai que les minorités ont le droit de s'exprimer, mais là, quand on a donné, quand on a créé l'Ukraine en tant que république, ou quand on a annexé la Crimée, eh ben, on a donné des territoires avec les peuples qui, là-dessus, sans rien demander à personne, c'est-à-dire qu'ils se sont endormis soviétiques, le lendemain, ils se sont réveillés, ils étaient ukrainiens. Voilà ce qui s'est passé. Donc, il y a quelque chose qui va pas dans ça. Les peuples ne se sont jamais exprimés. Et puis, à la limite, la Crimée s'est exprimée en 91, hein. Il y a eu un référendum et on n'a pas tenu compte. Ça a été annulé parce que les Américains avaient décidé qu'il fallait annuler, que c'était pas bon. La Crimée, ça a toujours été la cible et c'est encore la cible. Maintenant, permettez-moi, Junior, je vais dire deux choses qui sont très importantes. Je reprends ce que notre ami a dit. Je n'ai jamais dédouané la France de quoi que ce soit, donc il faut faire dire ce que je n'ai pas dit. Et à chaque fois que j'ai intervenu, j'ai essayé de faire avec les éléments que j'avais, les informations que j'avais, mais je n'ai jamais dédouané la France de quoi que ce soit. J'ai tout simplement dit que actuellement, là, ce qui se passe en Afrique, c'est l'État islamique. L'État islamique, c'est américain, et qu'on ne fasse pas comprendre quoi que ce soit. Deuxième chose, El Moudjahoui, tout ça, celui qui connaît pas l'histoire du terrorisme en Algérie peut pas comprendre. Le premier émir algérien, eh ben, il était planqué chez Hassan II dans l'un de ses palais. Il s'appelle Yaïda, il y a encore ses témoignages. Il fait encore des témoignages, il est encore vivant, et puis l'armée algérienne ne l'a pas touché. Donc il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Voilà, tout simplement. Par contre, au deuxième sujet, je vous ai dit, au niveau des Nations Unies, il y a des lois bien précises. Les peuples ont le droit de s'exprimer. Et bien là, ni le peuple de la Crimée ne s'est exprimé, ni le peuple du Donbass. On ne leur donne pas la parole. On a décrété que c'était comme ça et c'était comme ça. Lénine lui-même, Monsieur Poutine, en a parlé le 25 février de l'année dernière pour dire que ça a été une erreur de l'histoire. Et ça, c'est par rapport aux bolcheviks. Il y a les gens font amalgame entre la révolution bolchevique et les bolchevistes et puis les communistes. C'est pas la même chose, c'est pas du tout la même chose. Et c'est les bolcheviks qui ont tué et qui ont exécuté et le tsar et toute sa famille. Et ça c'est pas passé et ça ne passera pas. Voilà pourquoi. Linda Labawi, pour cette intervention, on va continuer avec vous, Mimodia. La position de la Chine a tout de même été interrogée, tout d'abord par Paris et certains autres pays occidentaux. Pékin a depuis quelques heures pris ses distances avec ses déclarations de Lou Chahé. D'après vous, Mimodia, est-ce que on peut dire que c'était une erreur volontaire de Lou Chahé qui exprimait ainsi une pensée du gouvernement chinois? Du moment où vous dites que c'est une erreur volontaire, je ne pense pas que ça soit une erreur volontaire, c'est une vérité. Il a totalement raison de le dire, parce que, moi, franchement, il y en a marre de ces Occidentaux qui font du paternalisme dans tout le monde, en fait. Et ça qui est un peu gênant, on a vu, hein, les Occidentaux qui se permettent d'aller en Afrique, diviser l'Afrique, créer des micro-États, un État à l'intérieur d'un État. Aller, par exemple, au Proche-Orient, en 1916, signer les accords de ces Sykes-Picot, sans l'aval du peuple du Proche-Orient, diviser les gens. C'est une politique que les Occidentaux ont mis juste pour créer des problèmes, pour créer des guerres, afin de vendre les armes, etc. Moi, je pense que ce que le dirigeant chinois a dit, plutôt ce que l'ambassadeur chinois a dit, ce n'est pas une erreur, c'est une vérité. Mais au nom de quoi? on va prendre le droit international, qui est un droit récent, qui ne fait même pas plus de 100, 150 ans, et le mettre sur le droit des peuples. Un peuple qui habite dans une terre pendant des milliers et des milliers d'années, vous venez un jour, vous vous réveillez, vous vous mettez dans votre petit coin, dans votre salle, vous signez des accords, vous dites maintenant c'est ce droit-là qu'on va appliquer. Mais au nom de quoi? Il y en a marre. Il y en a marre de ce paternalisme. Ce que, l'ambassadeur de la Chine a dit, c'est ce que moi-même je dirais quand je suis président ou quand on m'inviterait dans un plateau. Parce que c'est ça la vérité. Il est temps maintenant de dire la vérité telle qu'elle est, au lieu de passer tout son temps à se cacher derrière son petit bout de bois en essayant d'avoir peur de par rapport à la position que l'on prend. Et je pense qu'il a raison. Vous voyez, il ne sera même pas sanctionné parce qu'il a dit la vérité. À un moment donné aussi, il faudrait vraiment qu'on... C'est de cette façon même que les dirigeants africains doivent se comporter quand ils sont invités dans des plateaux, dire la vérité, dire ce qu'ils pensent, sans pour autant se cacher derrière le manteau d'une diplomatie. Et comme j'ai l'habitude de le dire, lorsque la diplomatie se transforme en jeu de yo-yo, ce n'est plus une diplomatie, ça devient une mafia inter-étatique. Donc c'est pour cette raison que au jour d'aujourd'hui, ce que l'ambassadeur a dit, je suis totalement d'accord avec lui, et j'ose espérer qu'il va toujours répéter le même mot dans tous les plateaux où il sera invité, parce que c'est une vérité. Voilà. Merci à vous, Mimodia, pour cette intervention également. On retrouve donc Bamako pour sortir de cette édition d'appel sur le continent, Issa Diawara. Lou Chaé a donc... certains pays de l'Union européenne ont réclamé à la France de déclarer l'ambassadeur Lou Chaé persona non grata, mais la France ne s'est pas encore exécutée. La France a demandé à Pékin de clarifier sa position. Pékin a depuis pris en quelque sorte ses distances avec les propos de son ambassadeur. Mais est-ce que, pour finir, Lou Chaé n'est pas dans le vrai quand il dit qu'en fonction de la position dans laquelle on se situe, en fonction du camp dans lequel on se trouve, on peut penser que la Russie, que la Crimée est ukrainienne si on est dans le clan des occidentaux mondialistes, et on peut penser que la Crimée est russe si on est dans le clan de ceux qui veulent se libérer. Est-ce qu'au final, Lou Chaé n'est pas dans le vrai? Vous savez, M. Junior Wako, il faudrait voir qui est Lou Chaé. Ce n'est pas n'importe quel ambassadeur. Il est membre du Parti communiste chinois. Et c'est un des leaders de ces partis. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ce n'est pas quelqu'un qui va donner une interview sans avertir d'abord le président ou en tout cas le Parti communiste chinois. Donc, ce n'est pas quelque chose de hasard, sinon il allait être rappelé immédiatement. S'il n'a pas été rappelé immédiatement, là maintenant, dans l'État, ça peut se corriger pour des raisons diplomatiques. Il pourra être remplacé pour des raisons diplomatiques, mais pour vous dire que ce qu'il a dit, en réalité, c'est ce que pensent les autorités chinoises. Il ne tient pas son propre discours à lui. Il est en train de dire, en réalité, il est en mission. Maintenant, il faudra analyser maintenant c'est quoi le discours. Qu'est-ce qui fait mal dans ça? Qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il a dit? Ce qui choque les autres, son intervention, c'est sur deux points qu'il faut séparer. La Crimée est bien sûr des États soviétiques, les 15 républiques soviétiques qui sont devenues indépendantes. Et maintenant, le premier point qui est la Crimée, quand il dit que la Crimée, bien sûr, il laisse entendre que la Crimée est le risque, et effectivement, la Crimée est le risque. Et qu'est-ce que les Occidentaux ont comme argument par rapport à la Crimée? Les Occidentaux disent que depuis 1954, un décret, bien sûr, par le président Khrushchev de la Russie, donne la Crimée à l'Ukraine. Mais l'Ukraine était encore république Union soviétique. Quand l'Ukraine quitte l'Union soviétique et que c'est une république de l'Union soviétique qui a donné cela à l'Ukraine, en tant que membre de l'Union soviétique, l'Ukraine devait abandonner les avantages de l'Union soviétique, ce qui est très normal. Les Occidentaux disent que l'Ukraine la Crimée est ukrainienne pendant plus de 60 ans. Mais avant d'être ukrainienne, elle était russe pendant plus de 200. Pendant plus de 200 ans, la Crimée était russe. Et maintenant, elle est devenue ukrainienne suite à un cadeau d'un président de la Russie. Mais ça n'a pas de sens. L'Ukraine a quitté l'Union soviétique et la Russie a repris son cadeau. Mais où est le problème dans ça? Deuxième chose, il s'agit des républiques de l'ex-Union soviétique. Mais quand l'ambassadeur chinois dit ça, c'est pas n'importe quel ambassadeur. Il s'agit d'un membre influent du Parti communiste chinois. Quand il dit cela, mais ça montre tout simplement que c'est la position officielle de la Chine. Que la Chine, bien sûr, ne reconnaît plus la traîtrise de l'OTAN. Que l'OTAN, même aujourd'hui, est à la porte de la Chine avec cette histoire de Taïwan. Vous pensez que la Chine doit accepter aujourd'hui des frontières tracées de façon unilatérale par l'OTAN au même moment que la Chine a aujourd'hui pour pire ennemi ces mêmes pays de l'OTAN qui sont en train d'armer Taïwan qui pourtant se retrouve être aujourd'hui un territoire en tout cas de la Chine. Et le même OTAN est dans un discours d'une Chine unie mais au même moment dans les faits, l'OTAN travaille activement en tout cas à ce que Taïwan puisse défier la Chine militairement. Mais c'est pour vous dire, monsieur Junior Wako, pour conclure, que même nous en Afrique, nous allons remettre en cause les frontières tracées par la France. Nous sommes frères avec nos amis, les pays qui sont tout autour de nous, et que ce n'est pas la France, bien sûr, qui va nous tracer ses frontières. Et donc, pour conclure, il faudra comprendre que la Russie et la Chine ont tout coordonné, et que la visite du président chinois en Russie est passée par là depuis sa visite. Les Chinois sont à l'offensive et bien sûr, c'est un monde multilatéral qui est en train de prendre les défis. Il ne s'agit pas de la Chine, il ne s'agit pas de la Russie. L'opération spéciale de la Russie en Ukraine est voulue par tous les blocs multilatéraux et bien sûr, ce discours de l'ambassadeur chinois est bien sûr accepté par tout le monde entier, dont vous, dont moi. Donc, les Occidentaux peuvent continuer à pleurer. C'est le début de leur pleurs. Ils vont pleurer encore. Merci. Le président américain se lance officiellement. Merci Mondial de nous avoir accompagnés. Merci à vous également, Linda Labawi. Afrique Média, le monde, c'est nous.